Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Sur Sorgia FM. I'm never funk. Je disais donc que ça fait du bien les souvenirs funk. Bonne soirée à vous, Ludo qui vous emmène. I never knew love like this. Après le mini, voici Organize. Now I'm lonely evermore. Le vendredi et le samedi soir sur Sorgi FM, c'est le mix de Ludo. Le vendredi à 21h, le samedi à 22h. Yeah, let's go. Mais je me laisse tenter par le flot d'un dernier verre. comprendre dans les comportements. Juste un excès de fantaisie dans les débranchements. La boule à facette en tête image des gens qui font la fête. Oh, balance-toi et jamais je t'arrête. De la chute de terrain, suite à mouvement du bassin. Un geste qui s'enrichit à chaque pas sur du refrain. Lève les bras, balance-toi, ce rythme de nos voix. Laisse-le nous guider. C'est moi Rimka, courage, stay copé pour plus de 6 mois. Tous Spirax comme dans Snatch, m'en chez moi. Suspect comme l'arrière-salle d'un resto chinois. Compte sur moi pour représenter nos favelas à nous. Et si t'es chez les fous, jugé par les faux qui visent le foule, le brôle entre branleurs. Le carré d'astre, on a du mal à disperser dans les foules. On sort des marécages d'escalier. Split faux bec, j'entame le sprint, donne la réplique. On salopard comme Larry Flynn, tu pars-balles sous ma red skin en souplesse comme Jet Li. Bosse pour la Kabylie, mon jet ski. Sache que la peur n'apporte rien à l'homme, des lobes à l'œuvre. Profite de chaque minute pour les frères à l'ombre. Nuit sur son mon malaise, comme Choumi en Ferrari sur les circuits. Avec ce qu'il faut sous le lit insoumis. Comme au casino, comme dans casino. Sur la table les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine, on sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Compte déjà la gouache des 12-13 ans. La merde qui leur pend au nez et vive l'instant présent. Certains ont le mauvais train de vie, se sont trompés de wagon. Se mettent à bosser à la chaîne comme un Saigon. Taïwan, ça se ressent comme la Marie-Jeanne. Si t'es pas d'accord, sale con. On va toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet, sur le ciment, sur les champs de cannabis, sur le terrain numéro 10. Avec le cœur, on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie, sur les novices. Comme nos quartiers au risque actif, comme la balistique dans notre ville. Comme un pit sans muselière. On se voit mal finir notre carrière comme Jordan à 40 piges. Spécial haute voltige, c'est comme tes deux doigts dans la prise, tes deux pieds dans la crise. Au summum, le ghetto et la cerise. Comme une arme bien huilée, avec du charisme, on prend le blé au huilé. Au summum, on prend des Oh,

Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. À l'instant DJ Snake. Voici MC Solar. À suivre. Le mix de Ludo. Soleil, rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Sur les plages à Rio, des gojos au ballon, tandis qu'à Sao Paulo, ils font des 11 contre 11. Plus de bonzes, transat avec des gonzes. Et le comité olympique donne les médailles de bronze. Je veux le bail, amphithéotique. Et l'entité juridique de type géopoétique. Hier encore, c'était Paula en polar. Là, c'est short, polo, maillot et la crème solaire. C'est le grill, G-R-I-L-L. Love, ladies love LL. J'bulle, je B-U-L-L. Chill, C-H-I-L-L. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la fille est belle. Quand elle danse sous le soleil. Sur la plage en bas de la vallée, des fées les cavales et les filles au volet se font des 5 contre 5. S-match, pendant ce temps je pointe, Faubourg Saint-Honoré numéro 55. C'est le chic, anacréontique, de la street antique à l'art géopoétique. Au Québec, c'est la gousse ou la polar. Été tout comme hiver, faut la crème solaire. Journée de rêve, ça c'est le soleil. Rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la fille est belle. Quand elle danse sous le soleil. Splash, je vois des fiches et puis des bubbles. On m'a dit de fermer ma gueule. Le ton monte, les requins sont marteaux. Je quitte H2O pour la Calypso. Et c'est le grill. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la vie est belle. Quand elle danse sous le soleil. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Quand elle danse sous le soleil. Vidéo. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine. Tout en sachant tôt ou tard qu'on publie de piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du temps, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canon. Tout ça je fais pour moi, ce qui tout est la daronne. J'ai baisé les plans. J'ai baisé les plans. J'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école. Si seulement tu savais. Les bridges, moi cherche et d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé. Plaqué, plus d'une fois, dos au remu. Trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straves en guise de mif, les straves en guise de but. Traînés par les fils de pute. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher le blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait tous chez le plan. Tu connais pas type procrite, c'est le trop. J'écrivais dans le chrome avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans toute cette patience. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bas. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de la cause all she does is throws it back to me. I spend a lifetime looking for someone. Don't try to understand me, just simply do the things I say. Love is a feeling, give it when I want it, cause I'm on fire, quench my desire. Give it when I want it, talk to me woman, give it to me, give it to me. Me remémore les clashs, les concours de rap RS. Dans la rue ça rappe en masse, ça s'appelle d'Alena Hess. Pour un 16 méga t'agresse, le kickage nous abaisse. Nos voix, nos mains s'élèvent quand les flics ça nous rabaisse. Le rêve est à nos pieds donc on dort tête pêche. On baigne dans les richesses mais nos lèvres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarpes me déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèces. Maintenant on fout dans la reste même si nos passés les berges. Elle veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Si on a autant ramé c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stecker les romans qui voulaient nous faire chavirer. Mais ça tape, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat ma foi belle. Mes fautes sont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès te fume, à peine tu le crapotes. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les pas. Plus tout belle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je mets de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. Ah, fuck le taf. Un bac pro ça paye pas. Avec les sraps pour le rap, ben on veille tard. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et tu nous suicides. Déterminé, on part au front sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fiston ne vit que toi. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qui négligent, ben en plus que tort. Je sais où je vais sans savoir si j'ai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'OVNI. Je me dirige vers la gloire et les blèmes, bro. La musique est une femme à problème, mais c'est putain, ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus tout belle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je mets de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Dans ta situation, foutu si tu échoues. Dans ta situation. Le mix de Ludo. Love is a feeling, quench my desire. Give it when I want it, taking me higher. Love is a woman, I don't wanna hear it. Give it to me, give it to me. Le mix de Ludo. No. le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Avec tes potes, mec, demain, oublie VIP, fils, prends le pli. Vas-y, allez, on s'en bat les couilles de la vie. Comment y'a rien là, y'a pas de spotlight, pas de boula, y'a pas de mélodie, pas de swing, y'a pas de Houston là. Ouais, y'a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il me faut pour que je reste ici. Bouge, gaz, face en vise de Mars, en Paris. Oh, mon girl, viens, dis-moi, qui te fera mieux groover ce soir. Reculez, fondez-moi. Alors, move sur le dance floor, laisse-toi aller. N'oublie pas que toute la nuit, les papis tout le monde. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. mission, Dev Monde et Mad, si on veut que tout le monde move sur les dance floor, ça c'est mon top. Hip hop et R&B non-stop. Alors je vais à nouveau voir ce qu'on vaut sur la version et peut-être à nouveau croire qu'on vaut bien la mention honnête. Mousse, pousse-toi, mousse le champ plat. Un Paris-Mars pour l'ambiance, tu sais que ça se peut, ça se veut, ça quand ça se fait ça. On vient pour faire quoi déjà? Déjà, tous deux on promet une fusion et c'est pas la première fois. Si je te le fais une fois, c'est pas pour le faire qu'une fois. Ce que je vois, des featuring sur les pures FM stations, je dois le voir sur les pics de la FM en rotation. Numéro 1, Airplay sur ma playlist. Matt Houston, Dev Bond sur la pole. Lève ton verre et bouge ton poil, bouge ton bouche, ton verre. Oh, on est là, lève ton verre, cherche ton banane, laisse ton verre, laisse veiller, laisse te teindre. Lève ton verre et bouge ton poil, laisse ton verre, smash banane, bébé. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Je vis comme ça me chante. Retiens. Le mix de Ludo. Mec sur le nez, j'essaie de passer incognito. Sur le beige, de ce qu'il répondait le comico. Je vais nous passer, je la verrai peut-être pas deux fois. Quand je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique. Pièce. Il fait des appels de phare quand il bouge de gauche à droite, je suis obligé de réagir. Qu'elle est. Elle fait la meuf qui a plein de principes. Je lâche l'affaire, je retourne faire mon bif. Le soir, elle voit sur YouTube, maintenant c'est elle qui insiste. Elle qui insiste, elle qui insiste. Yeah, yeah. Elle est tombe. Le bas du dos est bien bombé. Elle est tombe. Tout le monde veut la gérer. Elle est tombe. Elle veut que de me regarder. Mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est tombe? Qu'est-ce qu'elle est tombe? Il est 4 ans passé. Faut que je rentre chez moi. Quand je peux pas rentrer, celle du bel dans la boîte, il s'agit de faire un show. Il est 5 ans passé. Je suis toujours pas chez moi. Je suis même pas fatigué, y'aura à tort sur moi. Jamais sans mon camas, jamais sans mes potos, jamais sans mon queuglo. Jamais, jamais. Qui t'a pour le coco, qui t'a pour les tables, qui t'a pour le télo. Si t'es belle, bonne ma chérie, donne ton number. Te dos, tu ressembles beaucoup à Amber. T'as déjà posé ton histoire d'amour, je m'en beurre. Je veux pas te faire gérer alors qu'à ou café là. Pourquoi tu me regardes, tu veux savoir si j'gagne ton terme. La go est douce, le négro est brut. Ça va finir par coller, t'as les opposés, ça tire. La drogue est douce, le ton carré dur. Chaque taf me rapproche de l'espace, je veux finir dans sa lune. Elle est jump. Le bas du dos est bien bombé. Elle est jump. Tout le monde veut la gérer. Elle est jump. Elle veut que de me regarder. Mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est jump? Qu'est-ce qu'elle est jump? Il est 4 ans passé. Faut que je rentre chez moi. Quand je peux pas rentrer, celle du bel dans la boîte, il s'agit de faire un show. Il est 5 ans passé. Je suis toujours pas chez moi. Il est 6 ans passé. Je suis même pas fatigué. Y'aura à tour sur moi. Elle est jump. La go est douce. Elle est jump. Qu'est-ce qu'elle est jaune? Capillon, piaf, t'es l'eau. T'es l'eau de ma rage, retourne dans le bendo. T'es jaune, on se reverra peut-être bientôt. J'ai vidé mes couilles, pas le sac à dos. Elle est jaune, le bas du dos est bien bombé. Elle est jaune, tout le monde veut la gérer. Elle est jaune, elle veut que de me regarder. Mais je bombe. Qu'est-ce qu'elle est jaune? Qu'est-ce qu'elle est jaune? Il est 4 ans passé, faut que je rentre chez moi. Quand je peux pas rentrer, celle des belles gouttes dans la boîte, il s'agit de faire un show. Qu'est-ce qu'elle est jaune? Il est 5 ans passé, je suis toujours pas chez moi. Je suis même pas fatigué, y'aura à tort sur moi. C'est un point perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mériter si. Déjà. Ni même Hong Kong, pas Tokyo. Le mix de Ludo. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin, ce n'est pas Hong Kong, pas Tokyo. Je t'emmène sous la belle. Le mix de Ludo. Clara Luciani à l'instant, l'abbé, voici David Guetta. On va accélérer un petit peu le rythme parce qu'on s'endort un petit peu. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. On a encore moins d'une heure à passer ensemble. Faisons les choses bien. Le mix de Ludo. Close your eyes, Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Cause you sound like the top of the dome, yeah. I'm a record when you run, come around, yeah. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Y donde más no cabrá el mar y se mete a darse caña, poseído por el ritmo de la matanga. El DJ que lo conoce toca lindo. Le mix de Ludo. La SketchUp, le remix. Passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mix de Ludo. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble. Bonne soirée à vous, bon week-end à l'écoute de Sorgi FM. Le mix de Ludo vendredi et samedi soir, vendredi à 21h, le samedi à 22h. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Sur le 91 et le 102.5, Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous. Ludo in the mix. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. I text my baby on her Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Laisse-moi dans mon vaisseau car je